cherche la petite bête. Wow. C'est à dire que je les inquiète. Wow. Dur à croire que c'est eux qui m'inquiètent. Wow. Wow. Pour faire grossir la petite bête. Wow. Porte ouverte, porte ouverte. Wow. Bouche fermée pour donner l'alerte.